À l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, les familles des compatriotes coréens d'outre-mer ayant les connaissances avec le dirigeant Kim Jong-il ont déposé le 18 les bouquets de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il sur la colline Mansu et le buste en bronze de Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, au cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont Taesong.